L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de votre radio locale RGB, émission qui sera également rediffusée samedi prochain de 9h à 10h du matin. Aujourd'hui, eh bien, deux invités en studio pour cette dernière émission de la saison. Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, avec qui nous coproduisons cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Astrid Cosson, en charge du pôle développement des publics à l'Apostrophe. Bonsoir Astrid. Bonsoir. À l'affiche, eh bien, sans plus tarder. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Un spectacle qui devait être présenté, si j'ai bonne mémoire, au courant du mois de mai, mais pour des petits problèmes délicats de santé, semble-t-il, eh bien ce spectacle a été reporté au week-end du vendredi 14 et du samedi 15 juin. Spectacle qui était présenté dans le cycle théâtre et politique, On Stories. Alors, On Stories, c'est en effet un spectacle que nous avons récupéré, si je puis dire, puisqu'il a bien failli ne pas être pouvoir être présenté du fait d'un accident bénin, mais qui a interdit à l'artiste de jouer, puisqu'il s'est fait coincer le bras dans les portes du RER, voilà. Donc ce qui lui a provoqué un hématome, etc. Enfin bon. Et donc heureusement, nous avons pu retrouver une autre date, mais pour un marionnettiste, en effet, pour n'importe quel autre acteur, ça aurait pu être tout à fait passable, un tel incident, mais pour un marionnettiste, ça compromettait grandement sa dextérité, qui est très grande dans ces marionnettes à gaines, qui est l'histoire de ce Hand Stories, hein, en anglais dans le texte, n'est-ce pas, les histoires de mains, et qui, en fait, est la grande histoire au sein de la petite, ou inversement, d'une famille de marionnettistes traditionnels, puisque cet homme qui s'appelle Yang Fei en est doit être le représentant de la cinquième génération des artistes de cette lignée, et cet art se transmettait de père en fils dans ces familles. Et donc la révolution culturelle est passée par là, en Chine, et a mis à l'index toutes ces formes traditionnelles d'expression, au mépris de la grande richesse que cela pouvait représenter. Donc au travers d'une histoire qui paraît une histoire de fiction, eh bien, Yang Fei nous raconte cette histoire, les douleurs et les perturbations qui sont nées dans sa famille, avec la disparition de son père qui était interné, etc. Enfin, c'est toute une belle aventure par l'intermédiaire de petites figurines qui font 10 centimètres de haut, ce qui est quand même assez remarquable à voir, dans aussi la manipulation qui est exceptionnelle. Un spectacle qui, pour ceux qui l'ont vu, et les critiques de presse sont tout à fait, comment dire, élogieuses à son propos, c'est un merveilleux spectacle, délicat et grave, fascinant, autant de poèmes visuels et sonores nuancés de toutes les gammes de l'émotion, des plus délicates aux plus franches, l'exceptionnelle virtuosité de l'interprète et sa démoniaque précision du geste trouvent son apogée dans ce fulgurant combat d'art martial, découplant la force d'expression des marionnettes. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'un simple spectacle de marionnettes au sens où parfois on le traduit avec quelques clichés. Il défend aussi l'idée qu'il ne faut pas enfermer la marionnette dans la discipline traditionnelle, mais il faut faire des passerelles nécessaires parce que c'est un art vivant avec la marionnette plus contemporaine. Oui, notamment avec l'utilisation de la vidéo et des images et de la musique aussi, parce qu'une musique a été écrite par un compositeur d'aujourd'hui. Alors évidemment, quand on parle d'un retour sur la famille, on ne veut pas dire par là que c'est un spectacle nostalgique sur la disparition des traditions chinoises, mais bien de dire que cette disparition s'effectue sur la base d'une purement, je crois qu'on peut dire le mot, d'un assassinat de talents qui se trouve répandu et qui se trouvait répandu dans l'ensemble du territoire, de ce grand territoire chinois. Et donc, le travail de cet artiste, c'est de faire finalement le lien entre le passé et le présent et de nous indiquer, de donner des pistes de réflexion sur finalement à quoi ça sert-il de tuer le passé. En fait, on pourrait résumer les choses comme ça. Et dans l'interrogation du présent, à quoi sert-il de forcément faire que de la nouveauté ? Sur le plan purement technique, il y a aussi une approche qu'on n'a pas forcément l'habitude, nous, de voir ici en France. Les figurines sont des personnages à part entière. Elles interagissent, ces figurines, également avec le marionnettiste lui-même, qui se met en scène pour mieux raconter son propre héritage. Oui, mais ça, c'est toute une histoire de la tradition de la marionnette Hagen, dans laquelle le personnage est visible, hein, le personnage qui agite les marionnettes est visible, et donc il y a une relation qui est la relation triangulaire qui s'opère d'une part avec le spectateur, d'autre part les marionnettes entre elles, et d'autre part le marionnettiste et ses propres figures qui l'animent. Et donc ça, ça fait véritablement partie de ce type de marionnette. En effet, en Occident, on a plutôt tendance à assimiler la marionnette à Polichinelle et à ces genres d'expressions qui ont été importants dans une partie de notre histoire. Guignol, commune, voilà. L'incontournable Guignol. Et justement, c'est tout à fait autre chose qui est porté dans ces traditions, et la manipulation en tant que telle est absolument éblouissante, et c'est pourquoi c'est une éducation très longue qu'il est important de saluer et de rencontrer, parce qu'en effet, on voit très peu de choses de cet ordre. Dernière chose à propos de ce spectacle, il a aussi fait le choix, tout en respectant, on va dire, cette transmission des traditions, art séculaire par excellence, il a choisi aussi de briser les codes, parce qu'effectivement, c'est très codifié, l'art de la marionnette, quand on parle de la marionnette en Chine en particulier, tradition ancestrale qui n'est pas simplement une affaire de technique. Oui, ça c'est le commun de la culture chinoise, puisque aussi bien dans les marionnettes que dans l'opéra, par exemple, l'éducation, l'apprentissage qui est fait de ces arts suit des lignes extrêmement codifiées dont il est quasi impossible de se séparer. Et c'est l'un des problèmes de l'art chinois d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que cet empire du Levant peut-il arriver à transgresser ses propres règles dans lesquels il a été moulé pour passer à autre chose. Et véritablement, un spectacle comme celui-ci illustre des pistes possibles, puisque, encore une fois, il ne s'agit pas de renier la tradition, mais il s'agit quand même d'en bouleverser un petit peu les aspects trop contraignants. Spectacle étonnamment moderne, assurément, l'occasion pour faire comprendre aussi à nos auditeurs que ça n'est pas réservé aux enfants, ce spectacle. Quand on parle de la marionnette également, c'est le rapport nécessaire, incontournable avec le jeune public, mais là c'est tout public. Ah, c'est totalement tout public, oui, puis même les contenus s'adresseraient plutôt aux adultes, mais voilà, il faut enlever de la tête l'idée que marionnette égale enfant. D'ailleurs, nous sommes amenés dans notre vie de tous les jours, quelquefois, avoir recours à des objets intermédiaires pour exprimer des pensées. Donc, cet objet qu'est la marionnette est évidemment un intermédiaire à la pensée qui est tout à fait essentiel. End Stories est une épopée sans parole, le poétique récit de la dynastie de marionnettistes dont Yong Fei est issu. À travers cette histoire s'esquisse celle d'un grand pays, la Chine. Images, vidéos et musique pop ethnique complètent ce délicat spectacle. Informations et réservations sur www.l'apostrophe.net ou au 01 34 20 14 14. Il est temps pour nous, d'avoir un petit rendez-vous en musique. Autant choisir une des artistes qui sera à l'affiche au cours de la prochaine saison 2013-2014 à l'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Il s'agit d'une artiste qui est originaire de la Corée du Sud, Yoon Soon-na, et qui sort en cette année 2013 un nouvel album, un très bel album, un bel écrin. Astrid Cosson, un petit mot de présentation concernant cet artiste et surtout peut-être nous dire la date qui sera celle programmée à la scène nationale. Oui, nous recevrons cet artiste donc le lundi 25 novembre à 20h30 à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets de Pontoise. Ça sera en partenariat avec le festival Jazz au fil de l'Oise. Et j'avoue que c'est les surprises et les plaisirs de nos métiers de découvrir des artistes vers lesquels on n'aurait pas été habituellement. J'ai donc, grâce à la programmation de la saison prochaine, découvert cet album et cet artiste. Et elle a une voix tout à fait bouleversante, déchirante. Elle vous emmène dans un univers sensible et chargé d'émotions. L'extrait, enfin la chanson que nous allons entendre, vraiment est bouleversante. Je vous laisse découvrir. Lento. The grass, lotus blows as I pass. Leaves rustle gently, and trees give me shade as I pass. How sweet is nature's embrace on my woes. Fade away. I'm slowing down in my mind. Rest my soul in your arms. L'action culturelle. Nous allons commencer l'action culturelle avec le cours d'art dramatique organisé par l'Apostrophe tous les lundis soirs à destination des adultes. Une action qui n'est pas forcément connue de l'ensemble des habitants de Cergy-Pontoise. Donc profitons de cette émission pour nous attarder un instant. Astrid Cossonche, de quoi s'agit-il et quel est le but, l'objectif de ce cours d'art dramatique ? Alors, le cours d'art dramatique à l'Apostrophe, en fait, nous proposons, au-delà du cours d'art dramatique, un véritable parcours de spectateurs, puisqu'effectivement, les gens qui souhaitent participer à ce projet bénéficient de 3 heures de cours par semaine, de 19h à 22h, d'un cours de théâtre, d'un cours d'art dramatique, mais on allie le faire et le voir, puisqu'on propose également à ces participants de prendre un abonnement à l'Apostrophe, qu'on composer donc de 3 spectacles ou plus s'ils le souhaitent. Et ainsi, ça leur fait tout au long de la saison un alliage entre je pratique dans mon corps et dans la voix ce que c'est que le théâtre, mais en même temps, je vais en voir et je me nourris de ce qui se passe sur le plateau pour enrichir ma propre pratique d'amateur. C'est bien d'avoir une culture. Est-ce à dire que ça s'adresse à des amateurs de théâtre, au sens noble du terme, aimés, passionnés de théâtre, ou est-ce que certains d'entre eux vont, après ce cours d'art dramatique, peut-être exercer le métier de comédien ? Alors non, c'est pas une formation professionnalisante, si on peut dire, que l'on propose. C'est vraiment bien goûter par tous les sens le plaisir du théâtre. Et puis le cours même du cours d'art dramatique tout au long de la saison est composé de petites fenêtres, de petites ouvertures, puisqu'il est mené à l'année par Jean-Paul Rouvray. Et puis, grâce à nos artistes en résidence, on propose des séances un peu spéciales où on fait intervenir des gens, des compagnies de nos artistes en résidence et qui permettent une ouverture plus particulière sur ces univers artistiques. Alors, si ce n'est pas une formation professionnelle, cependant, c'est dispensé par un professionnel qui est metteur en scène et comédien professionnel, qui est bien connu, Jean-Paul Rouvray. Tout à fait, qui est bien connu de la maison, puisque ça fait donc de nombreuses années que nous travaillons main dans la main ensemble. Il dispense également les cours à l'université. Et puis, effectivement, il a par ailleurs tous ses projets personnels. Il sera d'ailleurs en Avignon pour une lecture publique d'un de ses textes qu'il a écrit. Voilà. Pour cette édition 2013, lundi 24 juin, il va y avoir une restitution. De quoi s'agit-il ? Comment on peut restituer un travail qui est produit dans le cadre d'un cours d'art dramatique ? Alors effectivement, le lundi 24 juin à 20h au Théâtre des Arts, j'invite toutes les personnes qui souhaitent peut-être s'inscrire au cours d'art dramatique de la saison prochaine de venir voir ce qui s'y passe. C'est un petit peu au-delà d'un spectacle de fin d'année, c'est une ouverture en fait, comme un cours ouvert. Voilà, la première partie sera vraiment des exercices qui se pratiquent en atelier. Et puis par contre, les choses étant quand même un petit peu préparées, il y aura quelques d'improvisation, mais on reste vraiment cette année, il n'y a pas eu de travail sur le texte, il n'y aura pas de restitution réellement mise en espace sur un travail de texte, ça sera plutôt vraiment, ils ont axé leur travail cette année sur des travaux d'improvisation. Restitution qui sera donc organisée le lundi 24 juin à 20h à l'Apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy, Grand Centre, qu'on se le dise. Bonne nouvelle, pour ceux qui ne sont pas adultes, eh bien la tranche d'âge avant ce sont les adolescents. Là pareil, une proposition va leur être faite pour la saison prochaine. Tout à fait. C'est une nouveauté à l'Apostrophe, puisque lors des campagnes d'abonnement que l'on démarre d'ailleurs depuis hier et puis qui se poursuit pendant tout le mois de juin, on avait de nombreuses demandes du public adolescent qui souhaitait s'inscrire à des cours de théâtre. Ça n'existait pas chez nous, ça le sera donc à partir de septembre prochain. C'est un cours ouvert pour les jeunes de 12 à 18 ans. Il sera mené par Elodie Segui et il aura lieu donc les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30. Et de la même façon que pour les adultes, il s'accompagnera d'une prise d'abonnement pour aller voir ce qui se passe sur le plateau. Voilà, si vous êtes tenté, attiré par l'univers du théâtre, sans devenir pour autant des futurs professionnels, des futurs comédiens, mais on peut effectivement se passionner par cet art de la scène, aimer se visiter le répertoire, comme on dit aussi, ou travailler l'improvisation comme il sera question au cours de cette restitution du lundi 24 juin, direction les cours d'art dramatique organisés par l'Apostrophe. Les actions culturelles, ça ne se réduit pas seulement à cela. Il y a aussi, et là pour le coup, je découvre pour ma part, le comité de lecture de l'Apostrophe. De quoi s'agit-il ? Alors le comité de lecture, nous avons clôturé cette saison 2012-2013 avec sa deuxième année et nous ouvrons l'année prochaine, ça sera la troisième année du comité de lecture. En fait, à l'Apostrophe, nous avons des textes qui nous parviennent d'auteurs contemporains et puis on s'est dit qu'il fallait les porter aux yeux et aux oreilles du public. Nous avons donc réuni autour de nous des spectateurs, abonnés abonnés de l'Apostrophe. Là, effectivement, fervent spectateur de théâtre et qui avait envie de lire ce qu'on écrit aujourd'hui. Alors, pendant toute une saison, ils ont été bouleversés, ils ont été dérangés, ils ont été déroutés. En tout cas, à chaque séance, les séances sont mensuelles, il y a des séances mensuelles. Ils dépassent de 3 ou 4 textes auxquels ils attribuent une note, en fait, pour arriver en fin d'année à l'élection d'un lauréat. Nous avons donc primé cette année « Tout est bon » de Christine Van Ecker, qui est un auteur belge. Et on a fait la lecture publique samedi dernier à l'Apostrophe Théâtre des Arts. Le 8 juin. Et en décembre prochain, on en fera une mise en espace à l'Apostrophe Théâtre des Louvrais dans le cadre d'une grande journée consacrée au théâtre du présent. Et donc, c'est pour tous les amoureux du texte ou les gens qui ont envie de découvrir ce qui s'écrit vraiment aujourd'hui. C'est un petit laboratoire. On assiste parfois à des batailles entre les anciens et les modernes sur les codes d'écriture que l'on doit ou ne doit plus utiliser pour se faire comprendre d'autrui. Et c'est absolument passionnant pendant toute une saison. L'occasion de vérifier qu'effectivement, les auteurs sont en nombre finalement dans l'écriture de textes contemporains. Et qu'on ne cesse de découvrir, faut-il encore porter l'attention sur ces textes en nombre qui existent et qui ne sont pas forcément portés à la connaissance du public. Là, c'est, je crois, une sélection d'une vingtaine de textes, c'est bien ça, de maisons d'édition qui ne sont pas forcément les grosses maisons d'édition qui font parler beaucoup d'elles. Ça peut être aussi des maisons un peu plus alternatives, non ? C'est surtout aussi des textes qui ne sont absolument pas publiés. C'est vraiment des textes émergents. C'est vraiment les auteurs nous les envoient un petit peu dans les maisons comme les nôtres, comme des bouteilles à la mer, en espérant que ce soit porté un jour, que ce soit mis sur le plateau, puisque ce sont des textes de théâtre. Et puis également, on va nous chercher d'autres textes dans d'autres comités de lecture, comme le comité de lecture à mots découverts. Mais ce sont vraiment des textes de l'émergence, des gens qui écrivent aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant, puisque ça fait bouger en fait les codes et les marges. Dans l'art, on évolue dans certaines écoles, dans certaines codifications. Et là, ce sont des gens qui nous proposent peut-être ce qui sera la tradition de demain. Et vraiment, ça bouleverse beaucoup. Les gens qui s'essayent à cette lecture-là sont vraiment bouleversés. Au-delà de la découverte et de la lecture, on se dit, si ce sont des textes contemporains qui pourraient être portés sur scène, est-ce qu'un jour ou l'autre, l'Apostrophe se fera ce porteur de ces textes et peut-être pour les mettre en scène au théâtre ? Alors, effectivement,